les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Esprit, es-tu là ? Oui, un esprit était là, derrière le lit d'un jeune garçon, un esprit qui n'aimait pas les gendarmes. On imagine la gêne du maréchal des logis venu enregistrer cet esprit frappeur. Esprit frappeur, coussin volant à travers les pièces, nécrophone d'Edison, charlatan, plieur de cuillères, Amaury Chardot avait consacré toute une émission de sa série métronomique à ce paranormal auquel nous ne croyons pas, mais que nous étudions. C'était le 11 février 2017 sur France Culture. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cela concerne le temps. Je vais vous demander à présent d'assister à la démonstration de la possibilité de mouvement à travers le temps. Comment feriez-vous pour revenir ? C'est un risque que je suis prêt à courir. L'espace. Amaury Chardot. Bonsoir à tous et bienvenue dans Métronomique, l'émission qui vous compte le temps en musique. Ici, chaque samedi soir de 23h à minuit, mais aussi quand ça vous chante sur franceculture.fr, on remonte les pendules pour vous raconter une histoire tirée du passé et mêlée aux airs qu'elle a inspirés. Et les pendules, justement, ce soir vont s'affoler puisque nous allons nous aventurer du côté du paranormal et de l'occulte. Poltergeist, apparitions, fantômes, ovnis, des récits avérés, de faits souvent invérifiables, mais qui en leur temps chahutèrent les esprits rationnels, plongeant la société dans le doute. Ce soir, nous croiserons un papier peint fleuri et bavard, une pianiste connectée à Rachmaninoff, des services de renseignement qui perdent la boule, des lueurs à l'horizon. Oubliez votre scepticisme et plongez dans la matrice. Ce soir, Métronomique épisode 14, des esprits frappeurs à Uri Geller, histoire de paranormal. C'est bon, là, ça tourne ? Vous m'entendez ? On appelle ça comment ? Appelle ça prologue ou post-scriptum. Donc voilà, un matin, c'était il y a quelques jours, j'ai allumé mon ordinateur et tout était déjà là. Je veux dire, l'émission, cette émission existait déjà. Elle était déjà écrite. J'y croyais pas, vu que j'avais encore rien fait, je le savais bien. Et pourtant, j'ai parcouru le document, j'y ai lu mes propres tournures de phrases associées à des idées de musique. Tout était là, dans la matrice. Malgré mon trouble, je suis allé à la maison de la radio, où depuis le studio 109, on a voulu, avec Philippe Baudouin et Cécile Braque, enregistrer ce texte déjà composé. Et puis au fond, ça m'allait bien. Sauf que la suite allait s'avérer encore un peu plus étrange. Sur place, j'ai refermé la porte du studio, je me suis assis, j'ai pris mon inspiration. Mais la lumière rouge refusait de s'allumer. Les micros connectés ne captaient rien. Leur spectre, cette forme d'onde qui caractérise chaque son, restait désespérément plat. C'était pas normal. On a appelé la maintenance, croyant à un problème d'alimentation électrique du studio. Le technicien est venu, il a vérifié les branchements, tout semblait correct. C'est alors qu'on a constaté qu'une émission similaire existait déjà dans les serveurs, émission que nous n'avions pourtant jamais enregistrée, qui n'avait jamais été diffusée, une émission fantôme, programmée pour être diffusée samedi 11 février 2017 à partir de 23h, c'est-à-dire là, tout de suite, maintenant. Pour ma part, j'ai arrêté d'essayer de comprendre et je me résous à m'écouter prononcer ces mots. Ce métronomique m'échappe sans une certaine dose d'effroi. Es-tu là ? Esprit, es-tu là? Oh, oh, mais je vous en prie, Madame Durand. Si vous ne pouvez pas contrôler vos nerfs, sortez alors. Et ne venez pas effaroucher les esprits. Oh, comme c'est malin. Faut tout recommencer maintenant. Ah. Esprit, es-tu là? Si tu es là, qui es-tu? Psychiatre, psychanalyste, traducteur fort connu des œuvres de Jung, le docteur Kahn vous livre ses impressions. Quand on étudie ces cas avec soin, en tenant compte de tous ces paramètres de la conscience et de l'inconscient personnel, familial et collectif, tous les phénomènes qu'il m'a été donné de constater au plan clinique ont été réductibles à des phénomènes qui étaient donc voisins de l'hallucination et de l'hallucinose. Nous appelons hallucinose une hallucination que l'on critique. Comment se fait-il que plusieurs personnes peuvent ressentir les mêmes phénomènes? L'émotion est contagieuse, éminemment contagieuse, elle est faite pour ça, elle est faite pour créer le lien en vérité entre les êtres. Parce que, voyez-vous, avant d'aborder le surnaturel, il faut se dire qu'au plan de l'être mental, des structures mentales de l'humain, l'être mental est une richesse prodigieuse. Si on y ajoute les phénomènes marginaux, pour ne même pas nommer les phénomènes de pathologie mentale, de troubles mentaux, on est confronté avec une richesse au carré, voire au cube. Et dès lors, avant d'interpréter certains faits au plan du surnaturel, il faut les examiner au plan du naturel. Et dès lors, vous constaterez que 97% des phénomènes qu'on évoque au niveau du surnaturel ne résistent absolument pas à une critique sérieuse, scientifique, voire médicale, et que ça se laisse très bien interpréter comme des phénomènes qui relèvent de l'hallucination. Mais il n'en demeure pas moins toutefois qu'il ne faut pas se cantonner dans un rationalisme un peu à pied plat, il n'en demeure pas moins qu'il y a une frange de phénomènes de 2 ou 3% qui ne sont pas réductibles à nos connaissances actuelles, de quelque ordre que ce soit, et qu'il faut bien aborder avec respect, avec dignité, en se disant que peut-être de ce 2 ou 3% de phénoménologie humaine incompréhensible aujourd'hui, jailliront peut-être demain des phénomènes qui nous contraindront à une toute autre conception du monde. Thank you. pierre angulaire et oubliée de la musique électronique, ce I Hear a New World, composé en 1961 par Joe Meek, un producteur britannique obsédé par l'occulte et les ovnis. Meek affirmait pouvoir entrer en contact avec l'esprit de Buddy Holly, dont il était un fan inconditionnel. Il se suicidera d'ailleurs une semaine après la mort de son idole. Entendre un nouveau monde, entendre un autre monde, voici pour une entrée en matière. How do you do, boys and girls? My name is Alfred Hitchcock, and I'm delighted to find that you believe in ghosts too. After all, they believe in you, so it is only common courtesy and politeness to return the favor. As a matter of fact, I tell them human stories all the time, and they enjoy them immensely. Now, of course, the best way to listen to ghost stories is with the lights out. There is nothing like a dark room to attract ghosts, and you may like to have some of our mutual friends come and listen with you. Les enfants, comme le savait bien Alfred Hitchcock, raffolent des histoires de fantômes. Pourtant, l'enfant dont nous allons parler ici, lui, commençait à en avoir assez. Nous sommes en 1973 dans un petit village minier de la Nièvre. La gendarmerie locale est appelée un jour dans une maison. La raison en est que le fils de la famille, un jeune adolescent prénommé Dominique, entend la nuit des choses étranges derrière la cloison de sa chambre. Or, ça commence à durer, si bien que ses parents décident de prévenir les gendarmes. Ceux-ci se rendent donc sur place sous la conduite du maréchal des logis Bernard Gilbert, lequel a pris soin de s'armer d'un magnétophone à bande, extrait du dialogue qu'il enregistre alors dans la chambre de l'enfant. Voilà donc une première partie. On va passer au second extrait où on pose la question donc s'il aime les gendarmes ou pas. Les rythmes de la chanson de Marie Laforêt qui sont enregistrés un peu plus loin. Selon l'enfant, le bruit derrière ce mur ne pouvait provenir que d'un esprit. On parle ici d'esprit frappeur, de poltergeist. Le maréchal des logis, lui, prend la chose très au sérieux, lance une enquête, fait planquer des gendarmes dans toute la maison, à l'étage, derrière la cloison, au sous-sol, dans le jardin, résultat, rien. Le mystère reste entier et pendant des années, le dit maréchal des logis témoigne de son désarroi, mais aussi de la rigueur de son travail. Alors, ces bruits donc provenaient de cette cloison, qui est une cloison en briques plâtrières de 7 à 8 cm d'épaisseur et qui sépare donc deux chambres, celle du jeune Dominique, de la chambre des parents, c'est bien ça? C'est ça. Hein, voilà. Et il n'y avait absolument personne dans la chambre à côté lorsque les bruits provenaient. Et Dominique, lui, était dans son lit ici. Les gendarmes qui vous accompagnaient un peu pendant cette enquête étaient... D'abord, vous étiez incrédule au départ, quand même. Oui, je ne peux pas dire que j'étais sceptique, non, parce que j'avais quand même entendu parler à plusieurs fois de choses similaires. Mm-hmm. Lorsque nous avons appris ça, c'est un peu par la rumeur publique, vous voyez. On nous a dit qu'il y avait des manifestations d'esprit dans cette famille et... On a dit quand même, il faut aller voir. Et vous aviez autour de vous donc des collaborateurs plus sceptiques que vous à ce moment-là. Oui, oui, c'est certain, c'est certain. Il y en a même qui ont été, j'ai deux camarades qui ont été d'ailleurs assez choqués et qui n'y croyaient pas au départ et après qui ont bien été obligés d'admettre la manifestation des coups dans le mur. Et des années plus tard, depuis sa retraite, Bernard Gilbert, le gendarme, reste définitif. Il n'y avait pas de trucage, pas de supercherie. L'énigme restait entière. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser un détail qui a peut-être son importance. Le village en question portait un nom bien curieux, la Machine. Bien sûr, ce nom se rapportait à l'ancienne mine de charbon qui s'y trouvait, mais enfin, très tôt, les machines avaient de fait tissé des liens très étroits avec l'occultisme. Je J'espérais bien pour les vacances, on se retrouverait tous à Saint-Trope avec Christine et Marie-France, mais Hubert nous a dit d'éclat. La côte, c'est beau pour les bourgeois, les marchands de bœuf et leurs enfants, et les gens qui veulent qu'on les voit trinquer avec François Sagan. Alors on a loué en Écosse un vieux château près d'Aberdeen, avec un butler pour les gosses et un jardinier pour les grilles. On était tous au living room en train de se taper un whisky, quand à 6 heures de l'afternoon, un big vacarme retentit. C'est ça, Daddy. My child, I think it's him coming up. Who's that, Daddy? Who's that? What you say? The crack is in me, man. The goose. Who's the goose? Who's the goose? The ghost was running in the air. Prediction. Portal. The portal. The portal. Pardon, se balançait en l'air. Woohoo! Oh, Daddy, regardez le ghost avec ses grands yeux rouges. Oh oui, il a ses grands yeux rouges, Daddy. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? I think we have to offer him a cup of tea. I think ghosts like tea, you know. On a convenu comme un seul homme que ce fantôme était vraiment smart, excessivement sweet et aux pommes, et on l'invite à jouer aux cartes. Un bon bridge à la carte, personne, c'est parfait. Avec le whisky, le fantôme se sentait atome, mais il avait une sale manie. Quelles que soient les cartes données, avec un jeu faible, un jeu fort, il ne consentait à jouer qu'à condition de faire le mort. On l'a engueulé en anglais, il a paru very upset. Tout à coup, il s'est envolé et s'est perché sur la desserte. Oui, look at him, Daddy, he's on the cupboard. C'est un flying ghost. J'ai jamais vu un fantôme voler si bien avant. Je trouve formidable ce ghost. Il est absolument charming. The ghost. Ooh, the ghost. What a charming ghost. The ghost was walking in the air. Prediction. Portal. The portal. C'est un charmant fantôme. Oh, they're looking now. He's off the tree. Peut-être que c'était pas du thé qu'il fallait lui offrir. C'était un bon whisky. The ghost. Maybe he likes Scotch whisky. Certainly not American whisky. Pour apaiser notre fantôme, les filles ont dansé avec lui. Le bon rock'n'roll, la pleine boxe, ça a duré jusqu'à minuit. Alors dans un profond soupir, notre chien goose s'est évanoui. You know, Daddy, I think the savage Dracula aimait beaucoup danser le rock and roll. The ghost. The ghost. The ghost. Daddy, I don't think it was a real ghost, you know. A ghost. A real, real ghost. Le groupe Rockefeller pour ce Rockin' Ghost de 1957, paroles de Boris Vian, les fantômes et les maisons hantées qui connaissent un très grand succès dans ces années 1950, même si cette fascination pour le paranormal remonte évidemment à la nuit des temps. Le 19e siècle notamment avait connu une vague de curiosité envers l'occultisme, qu'on songe simplement à Victor Hugo qui s'était lui-même adonné à des expériences de table tournante. Depuis longtemps, la question intéressait notamment les artistes, les chercheurs ou bien les inventeurs. Et justement, puisque nous étions précédemment dans un village au nom prédestiné, la machine, arrêtons-nous sur celle-ci. Très vite, certains avaient en effet tenté de capter autrement que par le seul souvenir ces résurgences des esprits. Lorsque la première machine capable d'enregistrer et de restituer le son, le phonographe, avait été présentée en mars 1878 à l'Académie des sciences de Paris, un vieil académicien s'était récrié qu'il était impossible qu'une voix fût capturée par une machine. Cela relevait forcément de quelque sorcellerie. Or, 40 ans plus tard, nous sommes en 1920, l'inventeur du dit procédé, Thomas Edison, à qui l'on doit également l'ampoule électrique, la pile alcaline ou bien encore la chaise électrique, avait entrepris la mise au point d'une machine d'un autre genre, destinée à capter la voix des morts, un nécrophone. Décédé en 1931, Edison n'aura pas le temps de perfectionner sa machine et le projet en restera au stade de schéma préparatoire, montrant une trompe en aluminium reliée à un micro et à une antenne. Un microphone stimé. 30 ans plus tard, un psychologue letton, Constantin Raudiv, reprendra le flambeau et en 1960 prétendra être parvenu à enregistrer près de 70 000 voix venues d'outre-tombe. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. And you hear a shriek and your legs feel weak. It's a haunted house. It's a dismal moan like a weird trombone. And an old ham bone is suddenly thrown. You are all alone with a great unknown in the haunted house. There's only one good spirit. It's the spirit in the bottle. With shaking hands you pull the cork and pour some down your throttle. There's a clank of chains and a smell of brains and a gory stain where the duke was slain. And you've got chilblains and varicose pain in the haunted house. The old oak beam hangs a corpse, you seem to feel a wet stream with a sinister gleam, and you wake with a scream from a horrible dream of a haunted house. But a cavalier with a dreadful leer tries to disappear from the chiffonier, and you cling with fear to the chandelier. It's the haunted house. The air is full of clammy claws that clutch you by the collar. So gargle night and morning just in case you have to holler. There are lights and slights and awful frights in flesh being tight. But at dead of night comes a woman in white, so you're quite all right in the haunted house. When the old church clock strikes 12, there's a knock with a sudden shock. You remember the lock on the door, there's a crock. Oh, why do you mock at the haunted house? It's as black as pitch and your eyeballs twitch in the darkest niche. It's a dirty witch and the lighting switch is out of reach in the haunted house. When the slavey spills the gravy, why is she so pallid? Something poked her in the pantry when she fetched the salad. I'm filled with dread, yes, I'm nearly dead. I saw a head underneath my bed. Come out if you can, I could do with a man in the haunted house. Ray Noble, le grand chanteur de l'Angleterre, de l'entre-deux-guerres, pour ce Haunted House, cette maison hantée de 1931. Ici Dissalignon à Lille RTF. Je me trouve actuellement dans une petite maison de la cité de la Renaissance à Loos, dans la banlieue de Lille. Je me trouve chez Madame Delbecq, et Madame Delbecq, en ce moment, est en but aux attaques, non pas de méchantes personnes, mais en but aux attaques des esprits. C'est en effet, depuis quelques 10 jours, que Madame Delbecq reçoit régulièrement la visite de choses. À vrai dire, ce sont des choses. Elle ne peut pas les nommer, elle ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de visage, il n'y a rien. Il y a simplement des coussins qui volent dans la pièce, des matelas qui sont renversés, des couvertures qui se roulent d'elles-mêmes, une assiette qui se promène et qui va d'une chaise sur un lit, d'un lit sur une chaise. Madame, dites-moi, comment ça a commencé? Ça commence un soir, il est environ 10h, 10h30, j'étais couchée. Et le lit a commencé à bouger, à gratter, et le matelas et le sommier a dansé. Ça s'est produit comme ça. C'était le premier soir. Le premier soir. Ça a duré comme ça jusqu'à 1h du matin. Bon, et ça fait combien de jours que ça dure? Il va y avoir environ 2 semaines demain. Montrez-nous à peu près si vous pouvez imiter ce bruit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça faisait ça. À ce point-là, vraiment. Alors les voisins ont tout entendu. Eh bien, je vous remercie, madame. Ainsi donc, la fascination des humains pour le paranormal suscite en ce début de XXe siècle l'intérêt du plus grand nombre. Et parmi cette multitude, l'intérêt des scientifiques. En 1919 se crée par exemple à Paris l'Institut Métapsychique International, placé comme toute fondation sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, Ce centre enquête toujours depuis sur les phénomènes inexpliqués et la télépathie. Son slogan, le paranormal, nous n'y croyons pas, nous l'étudions. Institut Métapsychique International, bonjour. Veuillez laisser votre message après le bip sonore, nous vous rappellerons. À bientôt. Le paranormal et l'occulte qui suscitent aussi depuis longtemps l'intérêt de certains philosophes. Ainsi, Henri Bergson est-il reçu le 28 mai 1913 à la Société de Recherche Psychique de Londres. Face à ses membres et à leur recherche télépathique, le philosophe s'interroge. Je me suis demandé quelquefois ce qui se serait passé si la science moderne, au lieu de partir des mathématiques pour s'orienter dans la direction de la mécanique, de l'astronomie, de la physique et de la chimie, au lieu de faire converger tous ses efforts sur l'étude de la nature, avait débuté par la considération de l'esprit. Si Kepler, Galilée, Newton, par exemple, avaient été des psychologues. Nous aurions certainement eu une psychologie dont nous ne pouvons nous faire aucune idée aujourd'hui. Étrangère à toute idée mécanistique, la science eût alors retenu avec empressement, au lieu de les écarter a priori, des phénomènes comme ceux que vous étudiez. Nous avons compris. Oh, oh, alors là. Mes amis, je fais partie d'un grand club de spirites. Les morts vont si vite, faut courir après. Nous communiquons toujours avec des gens notoires, femmes dans l'histoire, voici leur secret. Avec la pompon, la pompadour. Toujours papa, faut toujours papa, faut toujours parler d'amour. Avec la dudu, la du Paris. Faut toujours papa, faut toujours papa, faut toujours parler du prix. La belle ferronnière exagère et nous dit que malgré son époque, elle évoque Saint-Louis. Oui mais c'est nana, Napoléon, qui fait mieux tourner le guéridon. Mais les esprits répartis dans l'ombre et le silence, après la séance, je fus édifié. Si la table a pu bouger, c'est que je le devine, ma jolie voisine me faisait du pied. Avec la pompon, la pompadour. Faut toujours papa, faut toujours parler d'amour. Oh, avec la dudu, la du Paris. Faut toujours papa, faut toujours parler du prix. Mais avec ma voisine divine et jolie, on a choisi pour table la table de nuit. Alors c'est cucu, c'est Cupidon, qui toute la nuit fit tourner le guéridon. Fred Allison et son orchestre 1936 pour une séance de spiritisme non dénuée d'explications sous-jacentes, voire de dessous de table. Car évidemment, on trouve dans ce domaine tout un tas d'arnaques et de charlatans. De prétendus médiums que cherchent parfois à dénoncer d'autres illusionnistes, soucieux de défendre leur savoir-faire et leur professionnalisme, les prestidigitateurs. Citons ici le célèbre Houdini, à qui beaucoup attribuaient des pouvoirs magiques, alors que lui-même s'évertuait à démontrer qu'il ne s'agissait que de trucages bien rationnels. Harry Houdini, né au XIXe siècle en Hongrie, avait ensuite émigré aux États-Unis, où il avait commencé sa carrière travaillant dans les foires comme trapéziste, puis comme magicien. Ses meilleurs tours constituaient à s'évader d'une malle remplie d'eau, fermée et enchaînée, ou bien d'un bidon en métal. En 1898, il devient mondialement célèbre lorsqu'il lance un défi à la police de Chicago, affirmant être capable de se libérer d'une cellule de prison en moins de 30 minutes. Il y parvient en fait en 10 fois moins de temps, à l'aide d'un passe-partout dissimulé dans son œsophage, une technique que lui avait enseignée un avaleur de sabre croisé sur une foire. Houdini finira par se lasser de l'illusionnisme et dans les années 1920, en plein essor du spiritisme aux États-Unis, il sillonnera le pays pour démasquer les prétendus médiums révélant leurs trucs d'illusionnistes. Médium ou magicien, on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Magicien, vois-tu ce soir, j'ai besoin de ton pouvoir, car tu peux, si tu veux, guérir mon cœur en déroute. Magicien, écoute-moi, de très loin je viens vers toi. Pour te voir au hasard, j'ai parcouru bien des routes. Tu peux me donner le moyen enfin de garder pour la vie celle sans qui je ne suis rien, plus rien, et qui pourtant m'oublie. Bien loin d'ici, magicien, entre tes mains mon destin se joue demain. Ton secret, je suis prêt à le payer de mon âme. Magicien, tu es maudit, on te craint et l'on te fuit. Et l'on dit qu'à la nuit, ton mauvais génie l'emporte. Magicien, depuis toujours, je n'ai rien qu'un seul amour. C'est pour lui qu'aujourd'hui, je viens frapper à ta porte. Donne-moi le filtre divin qui va la rapprocher de moi. Je te promets, magicien, qu'après je subirai ta loi. Mais cependant, magicien, si tu n'as pas le moyen de faire cela, verse-moi le poison qui coulera dans mes veines, car je ne peux un jour même vivre sans celle que j'aime. Magicien, Georges Guettari, vers 1950. Malgré les efforts des prestidigitateurs justiciers, les médiums se multiplient au cours du siècle. L'une des plus célèbres s'appelle Rosemary Brown. Cette Anglaise, née en 1916, mène d'abord une vie discrète de ménagère de la classe moyenne de la banlieue de Londres. Puis à l'âge de 48 ans, elle connaît comme une révélation et, s'asseyant devant un piano, elle se met à dérouler un nombre hallucinant d'œuvres classiques, lesquelles lui auraient été dictées par les plus grands musiciens du passé. Liszt, Chopin, Berlioz, Schubert, Rachmaninoff. Ces derniers voulant, disait-elle, faire parvenir au monde des vivants les œuvres qu'ils continuaient à composer depuis l'au-delà. Et voilà les musicologues du monde entier stupéfaits d'entendre cette aimable Anglaise, dénuée soi-disant de toute formation musicale, exécuter tant d'œuvres inconnues et pourtant si proches de leurs compositeurs prétendus. Même Leonard Bernstein avait été appelé pour juger du phénomène. Rosemary Brown, qu'est-ce que vous venez de nous jouer? De qui était ce morceau? Plutôt, qui l'a inspiré? Beethoven m'a donné cette musique. C'est un scherzo, un morceau d'une sonate. Vous étiez là en communication avec Beethoven? Not at the moment, but I am Madame Brown dit qu'elle n'est pas vraiment en communication avec lui, mais qu'elle est consciente qu'il est là dans la salle et qu'il nous regarde. Comment avez-vous découvert votre don? Well, it's only quite recently that Madame Brown dit que ce n'est que depuis 1964 qu'elle reçoit ces communications et qu'au début, il n'y avait d'abord que Liszt et les œuvres musicales étaient très simples, très faciles. Quels sont les compositeurs avec lesquels vous êtes le plus en relation? I am most at ease with Liszt and Chopin. At first with Beethoven I was very frightened, but now I'm becoming more at ease with him. Alors elle a dit surtout naturellement Liszt et Chopin. Beethoven au début lui faisait très peur. Et puis il y a aussi Rachmaninoff qui paraissait très réservé, très sur son compte à soi, et avec qui elle s'est peu à peu familiarisée. Because he seemed very aloof, but I found that he also is a very good teacher. Vous le savez, Madame Brown, il y a beaucoup de sceptiques à votre sujet. Comment faire la preuve que vous êtes vraiment en communication avec les compositeurs célèbres et qu'il ne s'agit pas seulement de pastiche? Well, I've been told that there are trained musicians who can sometimes imitate some of the composers. Madame Brown dit que, bien sûr, d'autres musiciens lui ont expliqué que certaines personnes fort douées pouvaient, à la rigueur, imiter un ou deux musiciens. Mais que dans le cas, par exemple, dans le cas qui nous concerne, dans le cas de Madame Brown, lorsqu'on arrive à plus de 400 œuvres musicales avec une telle variété de musiciens, alors là, la chose paraît pratiquement impossible. Métronomique, France Culture, Amaury Chardot. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft, and although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me, proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me, proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, 'cause there's no nicer witch than you. Frank Sinatra, Witchcraft 1957, une sorcellerie qui, on s'en doute avec le bonhomme, est évidemment d'ordre amoureux. La télévision, cette deuxième moitié de XXe siècle, sert de chambre d'écho aux médiums en tout genre. Dans les années 1970, un autre individu étrange en écume les plateaux du monde entier. C'est un jeune Israélien de 28 ans, un ancien parachutiste dont la mère serait une parente éloignée de Sigmund Freud et qui se nomme Uri Geller. Adepte de la psychokinésie, faculté revendiquée d'agir sur la matière par l'esprit, il affirmait pouvoir, par exemple, réparer des montres cassées par la seule imposition des mains, ou encore tordre des clés et des métaux par la seule force de la pensée. Et force est de constater que certaines de ses prestations ne manquaient pas de conviction. Ainsi, ce 15 novembre 1974, sur le plateau de l'émission Italique de l'ORTF. Il y a un certain nombre de montres sur cette table. Je vais d'abord... Prenez tous, si vous avez des montres cassées chez vous, prenez-les en main. En même temps que moi. Prenez-les en main, comme je le fais moi-même en ce moment. Cela est trop gros. Bon, tenez-les comme ceci. Maintenant, concentrez-vous. Lorsque je vous dis concentrez-vous, demandez simplement, mentalement, à vos montres de commencer à fonctionner. Désirez profondément voir vos montres fonctionner. Effleurez également doucement vos montres. Tapotez-les. Et je sais que des milliers de montres vont commencer à fonctionner. Ces montres sont toutes brisées. Celles que j'ai ici sur ma table, j'entends. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Peut-être y a-t-il des pièces qui manquent à l'intérieur de ces montres. Mais, chose curieuse, elles reviennent à la vie. Cela, on m'a dit tout à l'heure que c'est une montre qui a 100 ans d'âge. C'est une montre Breguet. C'est la montre de Pierre Sabag. Ah oui. Ouais. C'est la montre de Pierre Sabag, le directeur. I see. So, bien. Even if you have broken watches like même si vous avez des montres brisées comme celle-ci, concentrez-vous. Continuez à vous concentrer. Désirez profondément les voir fonctionner. It's working? Yes, it's elle marche? Working. Oui, elle marche. It's working. Elle marche. Show me. Ça, c'est extraordinaire. It's working. Elle a été apportée par Catherine Langer il y a un instant. C'est fantastique. C'est la montre du grand-père. C'est fantastique. C'est vrai parce que j'ai entendu parler par Pierre Sabag de cette montre il y a un an. Et il a dit qu'elle n'a pas marché depuis 20 ans. C'est dommage que Sabag ne soit pas là. Oui, oui. On voit très bien. On voit si on peut cadrer sur la 4, on peut voir cette marque. Cette montre qui ne marche pas. On voit le mécanisme en marche. Bien alors, SVP, Georges Leclerc, est-ce que vous avez déjà des coups de fil de téléspectateurs qui avaient dans leurs mains, pendant la démonstration de Uri Geller, une montre cassée, et qui vous disent que leur montre s'est remise à marcher? Oui, Joseph Pasteur, il y a déjà des montres qui ont recommencé leur marche, mais il faut dire que la plupart des téléspectateurs jusqu'à présent sont encore assez sceptiques. Ils demandent à Uri Geller de faire des expériences qu'ils pourront juger eux-mêmes. Prenons un objet, peut-être une fourchette, une cuillère ou une clé. Maintenant, concentrez-vous. Regardez l'objet, ne pensez qu'à lui. Vous voulez de toutes vos forces que le phénomène se produise. Tenez la fourchette ou la clé au bout de vos mains et commencez à répéter en vous-même « Plie, plie-toi, laissez de haut en bas glisser légèrement votre doigt. » Devenu une curiosité mondiale, Uri Geller n'avait pas oublié de monnayer sa célébrité, sortant en nombre de livres mais aussi des disques à l'image de ce moment publié en 1974. Le moment Geller qui toutefois ne durera pas, la faute encore aux gendarmes de l'occulte, les prestidigitateurs, en l'occurrence Gérard Majax qui, en direct à la télévision dans les années 80, confondra Geller. 20 ans plus tard, ce dernier admettra finalement n'avoir été qu'un simple magicien. Il n'empêche, sa force de persuasion avait semé le trouble un peu partout, jusque dans les rangs des services secrets américains. Depuis les années 50, la CIA menait en effet des recherches sur la manipulation mentale destinée à faire parler, par exemple, des prisonniers ou des espions. Persuadé que les soviétiques menaient des expériences similaires, la CIA avait donc lancé un projet autour de la psychokinésie, le fait de pouvoir tordre des cuillères par la pensée, mais aussi de la télépathie, une capacité dont se prévalait également notre Israélien. Dans des documents récemment déclassifiés, on apprend ainsi que notre homme avait été convoqué en 1973 par l'agence américaine, placé dans une pièce opaque, insonorisée et isolée par un champ électrique, à lui de dessiner le mot pointé du doigt dans un dictionnaire ouvert au hasard à plusieurs centaines de mètres de là. Le résultat avait stupéfait les analystes de la CIA. À titre d'exemple, pour le mot détonateur, Geller avait dessiné de la dynamite. Décidément, certaines voies du paranormal restent impénétrables. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you. Put a spell on you par Screaming Jay Hawkins, 1956. Et encore, n'avons-nous pas abordé le dernier chapitre de notre petit panorama du paranormal, peut-être celui qui a fait couler le plus d'encre, les ovnis, formes ou lumières inexpliquées dont les premières apparitions célestes remontent à la Seconde Guerre mondiale. On connaît tous l'affaire la plus célèbre du genre, celle de Roswell, du nom de cette localité du Nouveau-Mexique où s'était écrasé en 1947 quelque chose. Plus méconnue, en revanche, est l'histoire de Jean Miguère. Nous sommes le 11 août 1969 sur la Nationale 13, près de Rouen. La suite, c'est l'intéressé qui la racontait en 1975 au micro de France 3 Radio, Midi-Pyrénées. Je roulais sur la Nationale 13 bis sur une ligne droite, une très grande ligne droite à trois voies matérialisées, lorsqu'il m'a semblé à l'horizon voir se détacher un nuage. Et ce nuage avançait rapidement vers moi. Vous savez, je conduisais à l'époque une ambulance, le pare-brise d'une DS est très large, cela permet de voir très bien ce qui se passe à l'horizon, et j'ai donc vu ce nuage s'approcher rapidement. À ce moment, sur cette ligne droite, à environ peut-être, 2-3 km de distance en ligne droite, est apparu un autre véhicule. Ce nuage est venu et est resté stagnant, a stoppé net, mais alors d'une façon très nette, alors qu'il arrivait très rapidement. Il a stoppé net entre les deux véhicules. Je roulais à ce moment-là à 150 km/h. Le constat de gendarmerie a déterminé que mon adversaire roulait lors du choc, parce qu'il y a eu un choc, à 160 km/h, à 160. Donc, en additionnant la vitesse des deux véhicules pour un choc de face à face, cela a fait un choc de 310 km/h. Les deux véhicules furent littéralement désintégrés. C'était 5h25 du matin. Il faisait jour. Il faisait jour. C'était au mois d'août. Le soleil s'était levé. Et le temps était relativement clair. Au moment où j'ai vu ce nuage stopper net entre les deux véhicules, le véhicule adverse s'est mis à zigzaguer. J'ai effectué donc 3 manœuvres pour l'éviter. Elles se sont avérées inutiles. Les véhicules furent littéralement désintégrés. Je suis resté bloqué dans les tôles pendant 3h20, conscient, je le précise. Mais au moment du choc, au même moment du choc, peut-être à une seconde, presque simultanément au choc, s'est matérialisé à mes côtés. Alors immédiatement, s'est matérialisé à mes côtés un être qui avait une apparence humaine, sinon la couleur de sa peau qui était différente de la nôtre. Je précise tout de suite que ce n'était pas un petit homme vert. C'est un homme de taille, je pense, de taille moyenne. Je dis je pense parce qu'après un tel choc, il est bien évident que j'avais mes esprits, mais je n'avais peut-être pas tous mes esprits. 6 ans après cet événement, j'ai à l'esprit comme si je voyais cet être assis sur cette chaise où vous êtes vous-même. Je l'ai présent à l'esprit absolument et je crois que je l'aurai toute ma vie. J'ai senti s'imprimer dans mon cerveau, s'imprimer d'ailleurs, ça faisait relativement mal, comme une espèce de picotement dans le cerveau, s'imprimer ce message télépathique qui me disait que cet accident n'était que fictif, que je n'en subirais aucune conséquence, que je n'en souffrirais jamais, qu'il était pour les autres mais pas pour moi. Tout est arrivé un soir alors que je rentrais chez moi. Au bout de l'horizon, une immense lueur. L'énorme vaisseau spatial atterrit. Il en sortit une créature étrange. Elle était grande, grande, infiniment grande. Et moi, fasciné, incapable de fuir ou de crier, et pourtant certain de ne pas rêver, je la vis s'avancer vers moi. Elle souleva le casque qui couvrait le haut de son corps. Un visage de femme apparut. Ses yeux semblaient voir au-delà de l'horizon et leur éclat me figea sur place. Immobile, sans volonté, je la vis se pencher vers moi. Je viens de la planète Prima. Bientôt la Terre sera en notre pouvoir. Ce qui est arrivé alors n'est sans doute jamais arrivé à un autre homme. Elle prit ma main et la pressa contre sa poitrine. Son corps était froid. Son cœur ne battait pas. Elle me dit dans notre langue: viens avec moi, viens avec moi. Et j'avançais, irrésistiblement attiré vers elle. Notre voyage dura une heure, une année-lumière, comment savoir. Nous étions perdus dans le temps et dans l'espace. Et puis, elle revint m'abandonner là, au même endroit, et repartit vers une autre galaxie. Étoiles, je pense à elle et à mon étrange aventure que personne ne croirait si je la racontais. Et pourtant, moi je le sais, ils sont là. Je sais qu'ils sont parmi nous. Je sais qu'ils sont parmi nous. Je sais qu'ils sont parmi nous. Le groupe Troisième Génération, avec ce titre, ces envahisseurs de 1978. Les ovnis et leurs extraterrestres embarqués qui, au XXe siècle, étaient devenus la version contemporaine des récits de fantômes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de nier la part incontestablement psychiatrique qui peut se mêler à certaines de ces histoires, mais dans un siècle qui fut celui du rationalisme à tout craint, les phénomènes paranormaux, le fantastique et leurs récits constituaient peut-être une tentative de redonner un peu de poésie à ce monde étriqué. En parlant de poète, Cocteau lui-même était devenu à la fin de sa vie un passionné d'OVNI. Cocteau, à qui nous laisserons ici le mot de la fin, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Je viens de sortir de chez moi, mais je ne reconnais pas ma rue. C'est un couloir humide et froid qui se perd plus loin que ma vue. Il n'y a plus de magasins, rien que des fenêtres borgnes, rien que des fenêtres borgnes, et je marche sur du sapin. Une étrange boule de lumière tombe en éclats juste à mes pieds, et de tous ces débris de verre en sort un papillon doré, et il se pose sur ma main et il me prend pour une rose, et il me prend pour une rose. Qu'il aime mon Métronomique, des esprits frappeurs à Uri Geller, histoire de paranormal, par Amaury Chardot. Réalisation Philippe Baudouin, première diffusion sur France Culture le 11 février 2017. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.